Masamba, masamba, oh, nalemi. Masamba, masamba, oh. Moi pas connaître danser, moi pas connaître danser, moi pas connaître danser. Et mi panier, mi panier, à tous les mamans, vraiment, c'est vous là danser.